crayon, pinceau, blaireau. Elle se plaise à s'engluer la peau. Bâton, coton, joli, sexy. Personnalité vernie. Vanille, ricil de mascarade. Elle me plaise sans cassonade. Les filles habillées, maquillées. L'amour eyelinerisé. Démaquillez, démaquillez-les. Des make-upisez-moi les. Fardé, poudré pour camoufler la nature et la vérité. Masqué, gommé pour aguicher. Lové, paradé, déguisé. Pupille, fossile, fidèle, rimmel. À celle qui sera la plus belle. Barrette, paillette sur les pommettes. Ou gâchis de jolies minettes. Démaquillez, démaquillez-les. Des make-upisez-moi les. Démaquillez, démaquillez-les. Des make-upisez-moi les.